Maintenant, taisez-vous. Autrement, vous mentiriez, Nastassia Philipovna. Vous avez abandonné le prince Michkin et vous vous êtes installée dans une petite ville de province, mais je savais que vous ne pourriez pas vivre loin de Saint-Pétersbourg. Vous êtes encore trop jeune et trop belle pour le faire. Et je ne me suis pas trompée. Quelques semaines plus tard, vous avez regagné Saint-Pétersbourg. Lorsque le prince m'a annoncé votre retour, il avait l'air si navré, si abattu, que j'ai eu de la peine à retenir mes larmes. Cela vous fait rire, n'est-ce pas? Et cependant, je ne ris pas, vous le voyez bien, allons. Peu importe d'ailleurs, vous pouvez rire. Je poursuis. Lorsque j'ai interrogé Léon Nikolaïevitch, il m'a assuré qu'il ne vous aimait pas, votre souvenir lui était même pénible. Mais qu'en revanche, il vous plaignait de tout son cœur. Oh, je ne savais pas cela. Vous faites bien de me le dire. Je dois ajouter que de ma vie, je n'ai rencontré personne qui fût son égal en franchise et en confiance. Et j'ai vite compris qu'on pouvait le tromper comme on voulait et qu'il pardonnerait toujours à celui qui l'aurait trompé. C'est même pour cela que je l'ai aimé. Je vous ai tout dit, madame. Et cette fois, j'espère que vous comprenez ce que j'attends de vous. Je comprends peut-être ce que vous attendez de moi. Mais dites-le-moi vous-même, je vous prie. Ah, c'est ainsi. Votre insolence dépasse les bornes. Eh bien, répondez-moi. Pourquoi vous immiscez-vous dans les sentiments que j'éprouve pour Léon Nikolaïevitch? Qui vous a autorisé à m'écrire des lettres? Qui vous a donné le droit de déclarer au prince que vous l'aimiez après l'avoir abandonné d'une manière si peu élégante? Je ne lui ai jamais dit, et je ne vous ai jamais dit que je l'aimais. Comment? Vous ne lui avez jamais dit? Et vos lettres? Pourquoi avez-vous cherché à nous unir? Pourquoi m'avez-vous supplié de l'épouser? N'était-ce pas là une déclaration? J'ai pensé d'abord que vous l'aviez fait exprès pour me dégoûter et pour m'obliger à renoncer à lui. Ce n'est que plus tard que j'ai compris. Vous avez cru par ces simagrées accomplir un acte sublime. Je dis vous avez cru. En réalité, ce n'était pas cela. Au lieu de vous retirer, de vous effacer discrètement, vous vous êtes mise à m'envoyer vos lettres perfides et ridicules à la fois. Et maintenant, vous refusez d'épouser un homme honnête, Parfen Rogojine, qui vous aime et qui vous fait l'honneur de vous demander votre main. Mais on n'épouse pas quelqu'un uniquement parce qu'il vous aime. Vous le savez aussi bien que moi. Oh, des sottises que tout cela. Vous ne voulez pas vous marier avec Monsieur Rogojine, mais c'est pour une toute autre raison. Et je vous la dirai, cette raison. Une fois devenue l'épouse de Monsieur Rogojine, il ne resterait plus rien du prétendu outrage que vous avez subi étant jeune fille. Je parle de votre liaison avec Monsieur Totski. Absolument rien, vous m'entendez? Eugène Pavlovitch, que vous avez essayé de salir, a dit de vous que vous aviez lu un peu trop de romans et que vous étiez trop instruite pour votre position sociale. Je dirais, moi, que vous êtes une femme trop imaginative et trop oisive. Ajoutez votre vanité démesurée. Voilà l'explication de votre comportement équivoque et grotesque envers le prince et moi. Mais vous, n'êtes-vous pas trop oisive? Vous qui ne vous habillez même pas seule. Vous qui ne sauriez même pas ravauder vos bas. Comment osez-vous me parler sur ce ton? Et sur quel ton dois-je vous parler, s'il vous plaît? En effet, j'exige trop de vous. Vous ne pouvez vous montrer calme et poli, laissons cela. Dites-moi plutôt pourquoi vous n'avez pas abandonné votre séducteur Totski sans vous donner en spectacle, si vous vouliez vraiment devenir une femme honnête. Mais que savez-vous de moi pour me juger de la sorte? Je sais qu'au lieu de vous mettre à travailler, vous avez suivi Rogojine pour pouvoir jouer à l'ange déchu. Je ne m'étonne pas que M. Totski, ne sachant comment se débarrasser de vous, ait songé au suicide. Oh, M. Totski a songé à mettre fin à ses jours. Oh, première nouvelle, vous m'en apprenez des choses, mademoiselle. Mais vous me jugez comme pourrait le faire la servante de ma logeuse, cette pauvre idiote. Mais une fille honnête, sans doute, et qui pourvoit toute seule à son existence. Pourquoi la traitez-vous avec un tel mépris? Est-ce parce qu'elle travaille? Ce n'est pas le travail que je méprise. C'est vous. Et vos discours. Arrêtez, Aglaé, vous êtes injuste. Vous ne voyez pas que Nastassia Philipovna souffre? Mais plus lui importe de faire souffrir quelqu'un, prince. L'essentiel pour elle, c'est de se montrer un être supérieur. Regardez-la, cette demoiselle. Et quand je pense que je la prenais pour une jeune fille douce, bonne et pure. Voulez-vous que je vous dise, mon cœur, pourquoi vous êtes venue chez moi? Vous vous taisez? Cela ne fait rien. Avec votre consentement ou sans, je vous le dirai. Vous êtes venue ici parce que vous aviez peur. Peur de vous, peut-être? Oui, peur de moi. Et dire que jusqu'à ce moment, j'éprouvais du respect pour vous. Arrêtez, Nastassia. Vous ne voyez pas qu'à votre tour, vous allez faire du mal à Aglaé Ivanovna? Et savez-vous pourquoi vous me craignez, ma petite demoiselle? Vous me craignez parce que vous pensez au fond de vous que le prince m'aime toujours. Vous êtes terriblement jalouse. Le prince m'a juré qu'il vous haïssait. Vous mentez, le prince ne peut pas me haïr. Et ne vous a certainement jamais dit une chose semblable. C'est une petite sotte. Qu'il me suffirait de lui ordonner de t'abandonner, il le ferait à l'instant même. Vous restez avec moi. Pour m'épouser. Et toi, tu rentrerais toute seule à la maison. Tu me voyais déjà mariée avec Rogojine. Eh bien, je ne te ferai pas ce plaisir. Il me suffirait aussi de dire en ta présence, va-t'en, Rogojine, et il partirait. Mon Dieu, pourquoi me suis-je laissé injurier par cette fille pleine de morgue? Mais prince, chasse-la! Non, qu'elle reste ici. Et se console en compagnie de Rogojine. Toi et moi, nous allons nous en aller. Pourquoi me regardes-tu ainsi? Ne m'as-tu pas juré que tu me suivrais, quoi qu'il arrive, et que tu ne m'abandonnerais jamais? Alors suis-moi. Partons. Tu hésites encore? Faudra-t-il pour te décider que je te rappelle les autres paroles que tu as prononcées? Soit! Tu m'as dit que tu m'aimais, et que tu me pardonnais tout, et que tu me respectais, et que tu m'estimais, oui, oui. Cela aussi, tu me l'as dit. J'ai fui pour te libérer de ta promesse et de ma personne. Mais à présent, je ne peux plus me séparer de toi. Je t'ai écouté avec patience et avec bonté, Nastassia, mais cela suffit. Tu te tortures pour rien, et tu tortures les autres également pour rien. Le prince n'est pas pour toi. D'ailleurs, il n'est pour aucune femme. C'est un élu de Dieu. Il est étranger parmi nous. Il se perd dans nos passions et dans nos haines. Laisse donc le prince tranquille. Va-t'en, Rogojine, on n'a pas besoin de toi ici. Ni de tes sermons. Va-t'en, te dis-je, allez, oust! Prince, maintenant qu'elle m'a traité comme une débauchée, qu'elle m'a déshonoré à tes yeux, vas-tu te détourner de moi et partir avec elle, bras dessus, bras dessous? Mais non, tu ne peux pas le faire. Tu ne le feras pas. J'ai cru en toi. En toi seul, tu le sais. Si je dois être trompée également par toi, je préfère mourir tout de suite. Sois raisonnable, Nastassia. Je te le dis pour la dernière fois, laisse le prince tranquille. Il n'est pas de ce monde. À cause de toi, j'ai failli le tuer. Mais à présent, si je devais choisir entre toi et lui pour me débarrasser de mon tourment, je n'hésiterais pas. C'est toi que je tuerai. Mais tu parles, fils de marchand. Tu parles? Dois-je en conclure que tu penses également? Peut-être. Mais tu raisonnes mal. Comment peux-tu me tuer? Sans moi, tu es fini. C'est sur mon cadavre encore chaud que tu t'enfonceras un couteau dans la poitrine. Non. Non. Entre moi et le prince, tu choisiras le prince. Et tu l'étrangleras pour te débarrasser de tes tourments. Ce n'est pas vrai? Alors réponds, Moujik. C'était L'Idiot, un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski. Avec Pierre Vanek, le prince Mishkin, Marcel Bozufi par Fen Rogojine, Ginette Taffin, Aglaé et Sylvia Montfort, Nastassia Filipovna. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacqueline Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.